Mars, cette lointaine planète où la main de l'homme n'a jamais mis le pied, mais les roues en revanche, car depuis l'exploit russe lunaire de 1970 et son premier rover télécommandé depuis la Terre, que l'histoire a oublié au profit des missions habitées américaines, la preuve a été faite que pour des missions lointaines, à défaut d'envoyer des êtres humains, les petits robots explorateurs sont nettement moins dangereux et nettement plus qualifiés. Après la perte définitive d'Opportunity il y a quelques jours et la poursuite de la mission de Curiosity, quels seront les futurs véhicules automatiques lancés dans la course à l'espace pour poursuivre l'exploration et pourquoi pas préparer le terrain à l'habitation? Exploration spatiale, ça roule. C'est le programme robotisé qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour nous détailler le futur robotique de l'exploration spatiale ainsi que son histoire, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui en duplex depuis les locaux de nos camarades de France Bleu Occitanie à Toulouse. Jean-Bertrand, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur au CNES, responsable des aspects mécatroniques au sein du service de robotique d'exploration planétaire au Centre Spatial de Toulouse. Et nous sommes ici depuis la Maison de la Radio à Paris avec Valérie Cerletti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, chercheuse au LATMOS, le laboratoire atmosphère-milieu observation spatiale, et responsable scientifique du radar Wisdom qui sera embarqué sur le rover Rosalind Franklin de la mission ExoMars 2020, dont on parlera évidemment tout à l'heure. Vous pouvez nous suivre comme d'habitude en complément de cette émission via notre fil Twitter où nous allons poster, bien comme tous les jours, un certain nombre d'illustrations, d'images, de liens vers des articles, de sources de tout ce qui va être dit à ce micro. C'est sur le compte @laméthodefc. Alors c'est vrai que quand on pense rover spatial, bien l'actualité oblige, puisqu'on lui a dit adieu avec les yeux humides, légèrement. On a dit adieu à Opportunity il y a peu de temps. Curiosity, lui, continue son programme. On pense à Mars, en l'occurrence. Et pourtant, eh bien, le père de tous ces engins est russe. Il s'agit du programme Lunokhod qui a été lancé en 1970 et qui a démontré la possibilité de piloter un véhicule motorisé, de lui faire accomplir un certain nombre de tâches scientifiques à distance. Écoutez cette archive. Espace avec la fin d'une grande aventure mécanique, Lunokhod a terminé sa mission sur la Lune. Une mission qui a duré 10 mois et demi et qui satisfait pleinement les soviétiques. Bilan intéressant, l'engin automatique a parcouru 10 kilomètres sur la surface de la Lune, exploré 80 000 mètres carrés, pris 20 000 photographies et analysé 10 000 échantillons. Les appareils des instruments de bord ont cessé de fonctionner le 4 octobre. La batterie qui fournissait à l'engin l'énergie nécessaire était épuisée. Voilà, c'est un extrait d'Interactualité en 1971, Lunokhod. C'est vrai que quand on parle d'exploration lunaire, on pense à la mission Apollo qui est dans toutes les mémoires. Pour autant, c'est le point de départ, finalement, Jean-Bertrand, Lunokhod, de tout ce qui sera par la suite les rovers dont nous allons parler au cours de cette heure. Tout à fait. Donc là, on a entendu quelques mots sur, en réalité, Lunokhod 1. Mm-hmm. Et il faut savoir que les Russes ont envoyé, quelques années plus tard, en 1973, Lunokhod 2, qui était le frère jumeau de Lunokhod 1, qui a, lui, parcouru 39 kilomètres. Et donc, qui a conservé ce record pendant presque 30 ans. Jusqu'à Opportunity, qui en a fait 44 de mémoire. Ça doit être quelque chose comme ça. Ça doit être quelque chose comme ça. C'est intéressant cette mission Lunokhod parce que on va en parler. On va parler des contraintes de l'exploration spatiale et de l'exploration des rovers. Aujourd'hui, je m'adresse à vous, Valérie Cerletti. Aujourd'hui, on sait que sur un rover, sur ce type d'appareil, chaque milligramme doit être utile. Or, quand on regarde le poids de ces premiers rovers spatiaux, ils sont de 800 kilos. C'est l'ère pré-miniaturisation. 800 kilos, vous voulez parler de Lunokhod. Les premiers Lunokhod, c'est 800 kilos, je crois, de mémoire. Je ne sais pas, mais c'est en tout cas le poids de Curiosity actuellement. C'est l'ordre de grandeur des poids de Curiosity, sachant que quand même les anciens rovers américains étaient, Sojourner étaient beaucoup plus petits, ils faisaient une dizaine de kilos, et Spirit et Opportunity faisaient un peu moins de 200 kilos. Donc c'est vrai qu'on a une tendance à aller vers le très gros, très lourd. Encore une fois, moi je suis responsable scientifique d'un radar qui sera embarqué sur le rover d'ExoMars, donc qui est une mission européenne, ESA Roscosmos. Les dimensions sont beaucoup plus réduites que Curiosity. Hein. On parle d'un rover qui fait à peu près, pareil, sans chiffre de mémoire, à peu près 300 kilos, je pense. Et moi, ce qui m'intéresse dans les rovers, c'est le fait que, bien entendu, on se déplace à la surface de l'objet étudié, que ce soit la Lune, les satellites, donc comme la Lune, comme MMX, et puis ou même Mars. Mais c'est que ce déplacement, pour mon instrument, est utile puisque on va sonder le sous-sol de Mars le long du trajet suivi par le rover. Et donc ça, c'est d'intérêt. Mon instrument ne travaillerait pas sans rover. D'accord. Alors, on en reparlera tout à l'heure, évidemment. On reparlera de ces rovers qui circulent encore à l'heure actuelle et de ces futurs rovers. Un mot peut-être, Jean-Bertrand, sur ces premiers instruments embarqués sur l'Unocode 800 kilos. Je le disais, c'est très, très, très lourd. À l'époque, qu'est-ce qu'on peut faire et quels sont les premiers exploits, finalement, qui sont réalisés pour pouvoir piloter à distance, depuis la Terre, ces premiers rovers? Alors, juste un mot sur son poids. Pourquoi le premier était le plus gros? Pourquoi est-ce que ces deux rovers, puisque c'était bien deux rovers, pesaient 800 kilos? Tout simplement parce que envoyer de la masse sur la Lune demande beaucoup moins d'énergie qu'envoyer la même masse sur Mars. Donc, évidemment, les Russes, ayant des fusées relativement puissantes, ont pu placer deux gros rovers à la surface lunaire. Et d'ailleurs, si les auditeurs ont la curiosité d'aller voir une photo de ce qu'étaient les Lunar Rods, ils verront le pragmatisme russe. C'est en réalité une grosse marmite. C'est ça. On va mettre les photos sur le fil Twitter de l'émission. C'est vrai qu'on dirait une sorte de soupière un peu, quelque chose comme ça. C'en est une. C'est une soupière en fait. C'est une soupière recyclée. À la vérité, un des trucs les plus difficiles à maîtriser dans l'espace, c'est les aspects thermiques. Typiquement, on comprend facilement que dans le vide, si on met un ventilateur, il marche pas. Eh ben, le pragmatisme russe, c'est on pressurise. Donc les rovers Lunacode étaient en fait des marmites pressurisées, et quand il y avait des points chauds, ils mettaient un ventilateur, comme on aurait fait sur Terre. Donc ça explique un petit peu cet aspect un peu char russe des rovers Lunacode. Après, donc au niveau scientifique, il y avait quelques instruments, notamment des caméras qui pouvaient prendre une scène stéréoscopique de l'environnement. Alors, je ne saurais pas vous faire moi le détail des expériences qui étaient à bord. Un des points importants de ces Lunar Rods, c'est dans la mesure où ils étaient sur la Lune, donc à seulement une seconde lumière de la Terre, ils étaient télécommandés. Donc, c'est des robots. Oui, ils avaient 8 roues en l'occurrence, une bonne capacité de déplacement, une source d'énergie relativement importante grâce à un panneau de cellules solaires déployables sur le dos du rover. Néanmoins, ils n'avaient aucune autonomie de déplacement. C'est des rovers qui étaient totalement télécommandés depuis le sol. Et ça, c'était donc au début des années 70. C'est malgré tout une vraie prouesse technique. Et puis pendant 30 ans, plus rien jusqu'aux années 90. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h10 sur France Culture, nous parlons donc des rovers d'exploration spatiale, pour le moment sur la Lune, mais à partir des années 90, de la fin des années 90 sur Mars. Peut-être pourriez-vous me dire l'un et l'autre, puisque vous travaillez l'un et l'autre sur des projets ou sur des instruments embarqués sur des rovers, quelles sont l'ensemble des contraintes aujourd'hui, puisqu'on va parler d'exploration lointaine maintenant, qui s'appliquent pour un rover, pour qu'un rover puisse fonctionner à distance, puisse être utile. Jean-Bertrand, pour commencer. Les contraintes du spatial sont pas forcément bien connues du grand public. En réalité, la première, c'est le lancement, les vibrations dans le lanceur. Il faut évidemment que le rover les supporte. Il y a par ailleurs d'autres contraintes, comme par exemple la radioactivité. L'espace est un milieu radioactif. Donc typiquement, n'importe quel équipement spatial, les satellites c'est le même cas, doivent être résistants à des radiations qui tueraient un homme. Donc ça fait partie des contraintes qui sont prises en compte lorsqu'on développe un rover lunaire, bien entendu, un rover martien également, c'est à peu près le même environnement. Après, il y a des contraintes qu'on imagine facilement. Aucune mission spatiale ne prévoit la réparabilité, donc on doit concevoir des rovers ultra fiables. Et malgré tout, on les envoie dans un terrain que forcément on ne connaît pas, puisque ce sont bien eux qui vont faire les premières constatations sur le terrain. Donc, je peux citer par exemple le cas de Philae qui s'est posé sur Churyumov-Gerasimenko. Avant que la sonde ne se pose à la surface de cette comète, on ignorait totalement si elle allait disparaître sous la surface ou rebondir sur de la roche dure. Donc ça, c'est une des contraintes inhérentes à ce type de projet, hein, c'est que on navigue dans l'inconnu, toujours. Après, y a des contraintes relativement communes à toutes les expériences spatiales, qui sont les faibles ressources en énergie. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler sur les rovers. Il y a plusieurs types de technologies qui sont employées, mais pas beaucoup en définitive. Il y a deux technologies qui sont utilisées classiquement. Le solaire et le nucléaire. On peut le dire rapidement, voilà. Comme ça, pof, c'est balayé. C'est pas compliqué. Et après, la dernière contrainte, c'est le lien radio qu'on peut avoir avec notre rover. Donc, sur la Lune, on a vu que c'était relativement facile, puisque le temps radio est très court. Sur Mars, on entre tout de suite dans un autre monde. Valérie Chariati. Oui, je voulais rajouter que, bien entendu, c'est vrai qu'on ne sait pas où on va se poser. Mais ceci dit, sur Mars, on a quand même pas mal d'informations qu'on a obtenues d'orbite, depuis l'orbite. Il y a beaucoup d'instruments qui ont cartographié avec une précision qui est quand même pas si mauvaise que ça, la surface de Mars. Et donc, le choix du site d'atterrissage est un exercice assez compliqué. On essaye de trouver un endroit. Alors, bon, il y a des contraintes techniques liées à l'atterrissage, mais on rajoute des contraintes lié au fait qu'il faut que le rover puisse se déplacer, donc on évite les endroits où il y a trop de poussière, par exemple, on évite les endroits où il y a trop de cratères, parce qu'on sait qu'on sera très embêté pour se déplacer à la surface. Donc c'est un exercice qui est assez intéressant et qui va contraindre, mais sachant que sur, par exemple, nos missions européennes, l'incertitude au niveau de l'atterrissage fait qu'on est obligé de caractériser une zone qui fait à peu près 100 km de long. Et c'est difficile, bien entendu, de faire ça à l'échelle décimétrique ou métrique dont on pourrait avoir besoin pour caractériser correctement ce site d'atterrissage du point de vue du déplacement du rover. Pour pas avoir de surprise à l'arrivée. Voilà. Et puis un autre point que je voudrais ajouter concernant Mars, c'est que en plus on a une contrainte qui est liée au fait que on ne veut pas amener sur Mars nos microbes, nos traces de vie, et on essaye d'éviter la contamination. Donc ça nous impose de travailler dans des conditions de propreté, voire de stérilité, qui sont de réelles contraintes. Et si on n'est pas suffisamment propre, eh bien on n'a pas le droit. Il y a des zones dites spéciales dans lesquelles on n'a pas le droit d'aller, de peur de contaminer l'environnement martien. Je repose la question de la charge embarquée. Par exemple, quand on travaille sur un instrument pour un futur rover, on vous dit vous avez droit à tel poids, pas un milligramme, pas un microgramme de plus, ou est-ce que c'est un peu plus souple que ça? Alors, effectivement, c'est une grosse contrainte, c'est pas la seule, mais quand on parle du poids de notre instrument, on est au gramme près. C'est-à-dire qu'on nous demande, on a une enveloppe, on dit vous avez le droit, pour moi c'était 1,7 kg. À un moment, on était à 1,720 kg et ça posait des petits problèmes. On a renégocié et depuis on a remaigri, donc on est en dessous des 1,7 kg et ça se passe bien. Mais c'est pas du tout la seule contrainte. Moi, j'étais un petit peu surprise parce que pour moi, ExoMars, c'était ma première vraie mission en tant que responsable d'un instrument. Et les contraintes sont, vous faites un instrument, il faut qu'il puisse faire de la science. Donc, il y a une contrainte de masse, une contrainte de volume, qui se comprend bien entendu, une contrainte de puissance ou d'énergie, qui se comprend aussi. De consommation énergétique, oui. Et la contrainte qui m'a paru le plus surprenante, mais qui se comprend aussi, bien entendu, c'est sur le volume de données qu'on va générer. C'est-à-dire qu'un instrument qui fait trop de données, on a l'impression, quand on est scientifique, que c'est vraiment génial, c'est ce qu'on veut, avoir le plus de données possible, ben, ça pose un problème. Du fait des relais de télécommunications qui ont des bandes passantes limitées, on a des fenêtres de visibilité avec l'orbiteur et avec la Terre qui font qu'on n'a pas le droit de générer toutes les données qu'on veut. Donc on est limité en masse, volume, énergie et volume de données. Jean-Bertrand, pour revenir un peu sur l'aspect historique, alors on va plutôt essayer de se concentrer dans cette émission sur le présent et le futur, donc pas peut-être passer trop de temps sur l'historique qui donnera lieu à d'autres émissions, puis on a déjà parlé des différents rovers martiens. Effectivement, Mars, c'est l'histoire d'un gain en taille, en poids, en puissance. On passe de Sojourner, qui est un petit four à micro-ondes de 11 kilos, à Curiosity, qui est la taille d'une petite voiture aujourd'hui. Tout à fait, oui. Évidemment, les ambitions des rovers croissent avec leur taille et leur puissance. Et donc, depuis Sojourner, qui faisait un peu de géologie, les ambitions vont en fait dans la direction de la recherche de la vie sur Mars. le Spirit et Opportunity, notamment, ont été développés pour caractériser le passé hydrologique de Mars. Ils ont apporté la preuve que des fleuves d'eau ont coulé sur Mars, que des roches étaient hydratées. Donc voilà, c'était la mission de ces deux rovers, hein, qu'ils ont parfaitement rempli. Hein. Ils ont de toute façon multiplié leur durée de vie, je crois, par 15, hein, par rapport à la mission initiale. On arrive ensuite donc sur Curiosity, dont la mission était d'évaluer l'habitabilité. Pas seulement est-ce qu'il y avait de l'eau, mais est-ce qu'il y avait de l'eau et des conditions au sol, chimiques notamment, permettant l'apparition de la vie carbonée qu'on connaît sur Terre. Est-ce que quelque chose de vivant a pu se développer sur Mars? Et donc on verra par la suite que les prochaines missions, notamment ExoMars, vont aller encore un pas plus loin, puisque ExoMars aura pour mission de rechercher la vie. Alors, on va y venir. Un mot peut-être encore sur donc Spirit et Opportunity. Ce sont ces deux rovers, ces deux, on va dire, alors sans aucun mépris pour ce pauvre petit Sojourner qui a fait un travail remarquable. Mais c'est vrai que Spirit et Opportunity, ce sont les deux premiers rovers de taille complexe qui ont effectivement, vous l'avez dit, fonctionné bien au-delà des espérances initiales. Opportunity, c'est un peu la raison d'être de cette émission, a fini par être déclarée hors d'état d'usage il y a quelques jours. Et c'était... Quelle est la différence finalement entre ces deux premiers rovers, entre cette génération et la génération actuelle, celle de Curiosity, qui est aussi la génération des rovers à venir, d'exploration en tout cas martienne, pour les 10 ans à venir? Jean-Bertrand. J'ai envie de dire que sur la technologie, il n'y a pas de différence majeure. Entre Spirit, Opportunity et Curiosity, il y a un facteur d'échelle important, hein, on l'a dit tout à l'heure. x5. Voilà, hein, Spirit, Opportunity, 185 kilos, Curiosity, 900 kilos. Donc effectivement, hein, ensuite, il y a une grosse différence sur la source d'énergie, on en disait deux mots tout à l'heure. Spirit, Opportunity ont des générateurs solaires capables de fournir une quarantaine de watts, alors que Curiosity possède un générateur radioisotopique, on dirait une pile atomique, hein, dans le grand public. C'est-à-dire ces quelques kilos de plutonium-238 qui fournissent pas moins de 2000 watts thermiques. Alors après, évidemment, ces watts thermiques sont convertis en watts électriques, et là, le rendement, il est faible. Mais le rover Curiosity dispose à peu près de 120 watts électriques toute la journée, et toute la nuit, oui. Contrairement à Spirit Opportunity, voilà, qui doit s'éteindre la nuit. Voilà, évidemment. Donc ça décuple quand même les possibilités d'un rover comme Curiosity. Et du coup, en termes de science, de laboratoire embarqué, Curiosity, c'est effectivement, alors on fait plus de science, on fait de la science plus poussée, et puis c'est aussi le sens de la marche de l'exploration spatiale. Mieux on connaît, plus on cherche à avoir une connaissance fine du milieu martien, et il faut dire que, par exemple, aujourd'hui, sur Curiosity, il y a une ChemCam qui permet de faire des opérations de spectroscopie, d'analyse très très fine de la nature, de la teneur de la poussière ou de certaines pierres martiennes, Jean-Bertrand. Tout à fait, oui, c'est un peu l'instrument vedette de la mission Curiosity, et on le connaît bien en France et au CNES, puisque cet instrument a été fourni par la France, hein, à la NASA JPL. Vous pouvez nous rappeler en quelques mots comment ça fonctionne? Je vais essayer d'en dire quelques mots. Donc l'idée, c'est un spectrographe qui va tirer au laser sur des rochers jugés dignes d'intérêt par les équipes scientifiques au sol. Et en réalité, donc le laser va pulvériser la roche, la transformer en un plasma. Et c'est l'énergie de désexcitation de ce plasma qui va être analysée par divers spectroscopes. Et donc les scientifiques vont pouvoir en déduire la composition des roches qui ont été visées laser, et également leur niveau de dégradation. Donc c'est quelque chose qui donne des informations très précises sur la nature des roches, mais également sur leur passé. Donc c'est un instrument qui est opéré encore aujourd'hui, hein, depuis la France, alternativement en fait entre les États-Unis et la France. Hein, je ne saurais pas vous donner le chiffre de tête, mais je sais que plusieurs dizaines de millions de tirs laser ont été effectués. C'est un instrument qui a été jugé tellement efficace d'ailleurs que on va dire, son fils, mais en réalité, son fils sera plus performant que son père. Le père doit dépasser le fils, il paraît. Et donc, Supercam sera à bord de du rover Mars 2020, donc, qui est le frère jumeau de Curiosity et qui devrait donc être envoyé sur Mars bientôt. Et un dernier mot sur Curiosity. Donc, Opportunity, on l'a dit, a arrêté de fonctionner. Curiosity vient de se poser dans son nouveau site d'études où il va rester pendant vraisemblablement un peu plus d'un an. Aujourd'hui, justement, quels sont les objectifs de ce nouveau site d'études de Curiosity? Qu'est-ce qu'on attend encore en termes de science de la part de ce rover, Jean-Bertrand? Là, malheureusement, je ne vais pas savoir vous en dire beaucoup. D'accord. Bon, c'est pas grave, puisque le but, c'est de parler de la suite. Mais bon, néanmoins, on devrait avoir quelques renseignements. C'est dans le cratère de Gale, je crois. C'est dans la zone Glentoridon qu'il vient d'arriver pour analyser des roches qui sont composées de phyllosilicates, qui sont des minéraux argileux qui se forment dans l'eau, et donc ce qui devrait permettre à Curiosity de vérifier, de passer un an à explorer ce terrain qui est riche en argile, donc à la recherche de signes d'habitabilité passée. Un mot peut-être pour conclure sur Curiosity, parce que tout ça c'est un tableau très idyllique. Néanmoins, comme toujours, hein, malheureusement, l'environnement est hostile et il y a des pannes. Et il y a des pannes régulières, des pannes informatiques. Je crois que Curiosity, je parle sous votre contrôle, fonctionne depuis l'année dernière sur son ordinateur de secours. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on construit ces rovers, il faut penser, comme le disait tout à l'heure Valérie Cerletti, non seulement à l'extrême fiabilité, mais aussi bien à dupliquer tout, à pouvoir avoir toujours une solution de secours au cas où l'un des instruments tombe en panne. Jean-Bertrand ? C'est une technique tout à fait classique. Hein. La redondance. N'importe quel satellite en orbite terrestre possède des redondances. Et donc Curiosity a également, me semble, deux ordinateurs de bord. Hein. Lorsqu'un défaut est détecté sur le premier, le deuxième peut être allumé immédiatement. Je sais que les Américains ont lutté pendant plusieurs mois pour tenter de rebasculer sur l'ordinateur numéro 1. Dans l'espoir de pouvoir épargner l'ordinateur numéro 2 le plus longtemps possible. Mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à déterminer l'origine du dysfonctionnement de l'ordinateur numéro 1. Et pour l'instant, en tout cas, ils n'ont toujours pas rebasculé sur celui-ci. Et donc la suite, ce sont deux missions pour Mars, toutes les deux pour l'année 2020. Une mission de la NASA, une mission de l'ESA, qui sont des améliorations de ce rover Curiosity et dont vous allez nous parler dans quelques instants. Give me some time and patience on and on. I'm trying to find a place that feels like home. There's endless tides of panic on my soul. Someday we'll die and leave us all alone. Yeah. Spend those nights on alone. Somnides à 16h25 sur France Culture. Pourquoi Somnides? Eh bien parce que c'est une chanson de Rover et que c'est le thème, et oui, parfois nos choix musicaux sont un peu scandaleux, c'est le thème de l'émission du jour. Nous parlons des rovers d'exploration spatiale en compagnie de Jean Bertrand qui est avec nous en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Occitanie à Toulouse. Jean Bertrand qui est ingénieur au CNES, responsable des aspects mécatroniques au sein du service de robotique d'exploration planétaire au Centre Spatial à Toulouse donc, et avec Valérie Tcherletti qui est avec nous ici à Paris, professeure à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, chercheuse au LATMOS, le laboratoire atmosphère, milieu, observation spatiale. Valérie Tcherletti qui me signalait pendant la pause musicale qu'évidemment, l'objectif principal de Curiosity, avant de tourner complètement la page, c'est de trouver des traces de matière organique. Et donc, quand on parle d'habitabilité, c'est évidemment des traces de vie primitive à l'époque où Mars était encore habitable. Un mot, Jean-Bertrand, pour passer maintenant à la suite. Il y a donc deux rovers martiens qui sont attendus, ExoMars et Mars 2020. ExoMars par la NASA et l'agence russe, Mars 2020 par l'ESA, pardon. Ouh là là, ça y est, je commence à m'embrouiller. ExoMars par l'ESA, par l'Agence spatiale européenne, et Roscosmos, l'agence russe, et Mars 2020 par la NASA. Ce sont donc des descendants, des successeurs de Curiosity, c'est-à-dire qu'on reste sur le même type de modèle de rover. Dans le cas de Mars 2020, c'est son frère jumeau, c'est pas compliqué. On peut dire que Mars 2020 est fabriqué avec les pièces détachées de Curiosity, hein, en fait. D'accord. Et pour ExoMars ? Pour ExoMars, donc, c'est la première mission d'un rover d'exploration spatiale mené par l'Europe. Quel est le modèle ? Donc, il part d'une feuille blanche. Alors, quel est le modèle, en quelques mots, de Valérie Tcherletti d'ExoMars ? Du rover d'ExoMars, qui s'appelle Rosalind Franklin. Rosalind Franklin, qui a été baptisée il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un rover qui est effectivement plus petit que Curiosity, qui a une spécificité. Quelle taille ? Je sens que je vais dire une bêtise. Je pense que... Un peu plus petit, on va trouver. À Toulouse, vous devez avoir la taille, mais je pense que c'est de genre de, je sais pas, peut-être 1m50 sur 1m, c'est l'ordre de grandeur. D'accord, à peu près. Sur 1m20, quelque chose comme ça. Oui, c'est l'ordre de grandeur, on va dire. Sa spécificité, à mon avis, c'est qu'il va s'intéresser à ce qu'il y a dans le sous-sol. Donc, pourquoi dans le sous-sol ? C'est parce qu'on pense que s'il y a des traces de vie sur Mars, les conditions en surface étant tellement hostiles, on a très peu de chances d'en trouver en surface, et donc c'est intéressant d'aller voir dans le sous-sol. Donc il y a une foreuse qui va être capable de recueillir des échantillons jusqu'à 2 mètres de profondeur, des échantillons qui seront analysés dans le corps du rover. Il n'y a pas de retour d'échantillons prévu dans le cadre d'ExoMars. De retour sur Terre en tout cas, oui. Oui, enfin pas sur Terre, oui. Donc les échantillons seront analysés sur place dans le corps du rover. Donc on s'intéresse au sous-sol, et c'est pour ça qu'entre autres il y a un radar. Je fais la publicité pour mon instrument, il va nous dire ce qu'il y a dans le sous-sol, et la foreuse sera capable d'aller prélever des échantillons en profondeur. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose de très spécifique par rapport à tous les rovers qui ont été jusqu'à, on va dire, quelques centimètres sous la surface. C'est de la sous-surface, mais c'est quand même très peu profond. Là, on vise des profondeurs de plusieurs dizaines de centimètres jusqu'à 2 mètres de profondeur. Et d'ailleurs, les premiers tests ont été effectués avec des résultats encourageants, jusqu'à 80 centimètres de forage. Oui, pour le moment. sur la foreuse, effectivement. Alors, la difficulté, c'est de simuler, c'est comme pour tous les instruments, c'est de simuler son fonctionnement sur Terre. On a une gravité, une atmosphère, et donc une température, donc d'aller simuler les performances attendues sur Mars, avec une gravité plus faible, température et vide, ça on arrive à faire assez bien, mais la gravité, c'est quand même plus compliqué à simuler sur Terre. Comment on procède, justement, pour ces essais? Comme on l'a dit, comme tout doit être certifié, redondant, dont rien ne doit être laissé au hasard, compte tenu de l'enjeu de ces missions spatiales, comment est-ce qu'on les teste en conditions les plus proches de ce qui va être la condition martienne sur Terre? Alors, pour la foreuse, je ne sais pas exactement, parce que la gravité, c'est un problème que je ne connais pas et qui n'a pas d'impact sur mon instrument. Mais sinon, les instruments sont testés dans des conditions martiennes. D'ailleurs, alors on les choque, on leur fait subir des chocs, on leur fait subir des vibrations, on vérifie que tout tient, on leur fait subir des tests de compatibilité électromagnétique pour vérifier qu'ils ne vont pas polluer d'un point de vue électromagnétique, qu'ils ne vont pas être pollués non plus en retour. Et puis le test le plus terrible, parce que nous on a eu des petits soucis à ce moment, c'est le vide thermique, c'est-à-dire qu'on met l'instrument dans une espèce de cocotte minute très grosse, en ambiance martienne, c'est-à-dire qu'on fait un vide partiel, on met une atmosphère qui ressemble à l'atmosphère de Mars, et puis on fait du cyclage thermique allant de température de moins 60, plus 60, moins 60, plus 60, pour simuler les variations de température qui seront vues par l'instrument à l'intérieur du rover. Et là, ça coince un peu là. C'est là que, non, on a livré notre instrument, tout s'est bien passé au final, mais c'est vrai que s'il y a des petits défauts de report de composants, les contraintes thermiques, on le mentionnait tout à l'heure, c'est que quand on est dans une ambiance de vide partiel, la chaleur, c'est par conduction que ça se passe, il n'y a pas de... Convection. Les échanges de merci. De convection. Il n'y a pas de convection, voilà, merci. C'est vrai que c'est difficile de dissiper la chaleur dans une ambiance martienne, et donc parfois on a des points chauds qui posent problème pour les instruments. Mais disons que on les teste vraiment pour être sûr qu'ils vont tenir le choc. Jean-Bertrand, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement à ce propos de ce futur rover européen Rosalind Franklin, qui est un gros défi, puisque l'Europe, pour le moment, a toujours eu un peu de mal à poser des atterrisseurs jusqu'à présent sur la surface martienne. Ça ne s'est jamais très très bien passé. On a le souvenir douloureux de Schiaparelli, était la capsule qui accompagnait la mission ExoMars 2016. Donc c'est un orbiteur qui tourne autour de Mars et donc envoyé par l'Europe en 2016. Effectivement, l'atterrissage de Schiaparelli s'est assez mal passé pour un problème de capteur. Il a cru qu'il était dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'il avait la tête en bas et les pieds en haut, ce qui a abouti à ne pas ouvrir le parachute parce qu'il considérait que ça allait donner un freinage dans le mauvais sens. Et les rétrofusées, c'était pareil, il comprenait pas pourquoi les rétrofusées allaient accélérer sa chute. Bon, bref, il a fait lui-même un joli cratère à la surface de Mars. Dans le cas du rover ExoMars, on lui souhaite beaucoup plus de succès, évidemment, dans la mesure où il a un coût un peu supérieur également, et des objectifs scientifiques largement supérieurs également à ce démonstrateur qui était Schiaparelli, démonstrateur d'atterrissage. Je peux dire un petit mot par rapport au test en faible gravité, puisque c'est quelque chose qui va m'occuper encore quelques années dans le cadre du projet donc du rover MMX dont je m'occupe. Dont on parlera dans un instant par ailleurs. Voilà. Les problèmes de gravité, il n'y a pas 36 solutions. La première, qui est relativement bien connue, c'est l'Airbus A300 0G. Qui est opéré, qui à l'origine était dépendant du CNES, qui est aujourd'hui... un service commercial que n'importe qui peut accéder, mais c'est limité à une trentaine de secondes de pesanteur. Ensuite, il y a des tours de chute, notamment une qui est à Brême en Allemagne, je crois qui est la plus performante d'Europe. On peut simuler 13 secondes d'pesanteur. Donc, comment faire pour simuler des heures d'pesanteur? La seule solution qu'on connaît, c'est la Station Spatiale Internationale. Et la difficulté étant que monter une expérience dans la station spatiale, il faut avoir un astronaute sous la main, le former à utiliser l'expérience, et en général, c'est quelque chose qui est cher, bien entendu, mais qui demande aussi des années de préparation. Donc c'est un test qu'on ne peut pas faire pour tous les instruments spatiaux. À propos de ce rover Rosalind Franklin, quelles sont ses missions principales? Est-ce qu'aujourd'hui, ça y est, le rover, il est assemblé, tous ses systèmes de propulsion, ce sera solaire, ce sera nucléaire? Est-ce qu'on sait, tout ça est complètement défini, Jean-Bertrand? Alors oui, c'est un rover solaire. Il va disposer de, la surface. Grosso modo, il va avoir 50 watts d'énergie quand ses panneaux solaires sont éclairés. Enfin, 50 watts d'énergie par jour, je crois. Ce qui n'est pas énorme, si on le compare à Curiosity, c'est quand même moins de la moitié. Néanmoins, il a quand même donc suffisamment d'énergie pour pouvoir se déplacer relativement efficacement. Il emporte une collection d'instruments scientifiques. Je ne saurais pas vous en parler chacun en détail, mais je crois qu'il y en a une dizaine, dont notamment le radar Wisdom. Il y a des caméras, un spectromètre infrarouge Micro-Méga qui est également fourni par la France. C'est l'Institut d'astrophysique spatiale de Paris qui fournit ça. Il y aura du spectromètre Raman, il y aura du chromatographe en phase gazeuse. Voilà. Il est bardé d'instruments. Il est bardé d'instruments, et ça tombe bien, puisque justement, comme tous les mercredis, nous avons en studio avec nous un doctorant qui travaille précisément sur l'un de ces instruments. C'est l'heure de la recherche, Montre en main. Voilà, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Nicolas Houdard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en première année de thèse au LATMOS. Vous êtes une thèse de lecture doctorale d'astronomie et d'astrophysique d'Île-de-France financée par l'Université de Versailles-Saint-Quentin et le CNES. Le titre de votre thèse, mise en place des outils d'interprétation des données du radar à pénétration de sol Wisdom embarqué sur les rovers de la mission ExoMars 2020. Soyez le bienvenu à la recherche montre en main. On vous écoute. Merci. Si d'éventuelles traces de vie passée ou présente subsistent sur Mars, il y a de fortes chances pour que celle-ci se trouve en sous-sol, protégée des radiations et de l'oxydation qui affectent et probablement stérilisent sa surface. Pour cette raison, le rover martien de la mission russo-européenne ExoMars 2020 a pris le parti d'étudier le proche sous-sol martien à l'aide de différents instruments dédiés et d'une foreuse de 2 mètres. Un de ces instruments est le radar à pénétration de sol Wisdom, développé sous la direction de mon laboratoire, le LATMOS, qui aura pour mission de sonder les premiers mètres du site d'atterrissage du rover. Un radar à pénétration de sol, c'est un type particulier de radar dont les antennes sont, comme son nom l'indique, directement dirigées vers le sol. Comme tous les radars, il émet des signaux électromagnétiques dont une partie est réfléchie au niveau de chaque milieu et de chaque nouvelle structure qu'il rencontre. La mesure des amplitudes et des temps d'arrivée des signaux réfléchis donne alors une information sur les distances auxquelles ces milieux et ces structures se trouvent. Dans les cas des radars à pénétration de sol, les milieux traversés correspondent aux différentes couches géologiques du sous-sol dont ils cherchent à détecter les interfaces et les discontinuités. En réalisant plusieurs mesures verticales régulièrement espacées le long d'une ligne droite, on réalise des images radar appelées radargrammes qui permettent de visualiser la structure d'un sous-sol. Le but de ma thèse est de mettre en place des outils pour interpréter les radargrammes de Wisdom. L'intérêt de cette interprétation est double puisqu'il s'agit à la fois d'aider à reconstituer l'histoire géologique du site d'atterrissage mais aussi de guider les choix de forage du rover. L'idée est de trouver des lieux de forage intéressants scientifiquement et accessibles sans risquer d'endommager la foreuse. Typiquement, on recherche des sites présentant des couches sédimentaires protégées en sous-sol, mais dépourvues de roches enfouies sur lesquelles la foreuse pourrait buter. Pour toutes ces raisons, la profondeur de pénétration, qui est de l'ordre de quelques mètres, et la résolution de Wisdom sont un bon compromis entre les intérêts scientifiques et les contraintes d'ingénierie de la mission. Le développement de l'instrument est terminé, le modèle de vol a été livré à Airbus Angleterre pour intégration sur le rover en janvier. Reste alors à continuer la mise en place des outils automatiques d'interprétation des données qui rendront les radargrammes plus lisibles. Dans ce but, je travaille actuellement sur des techniques d'amélioration de la résolution verticale des radargrammes de Wisdom, qui est limitée par la construction de l'instrument lui-même. Des techniques de post-retraitement permettront de repousser ces limites et de détecter des couches de seulement quelques centimètres. Plusieurs méthodes sont à l'essai, certaines déjà utilisées sur d'autres types de radars, et quelques-unes encore inédites. Pour juger de l'efficacité des outils développés, Je les confronte à des données simulées numériquement, mais aussi à des données expérimentales, collectées dans le cadre de différentes campagnes de mesures sur des sites naturels, avec un modèle de l'instrument proche de celui qui partira sur Mars. Afin de réaliser des mesures dans des conditions similaires à celles de la mission ExoMars 2020, j'ai très récemment participé à la campagne de simulation d'opération ExoFit 2019. J'y étais il y a encore 3 jours, dans le désert d'Atacama, au Chili, avec un modèle de Wisdom intégré à un rover représentatif de celui d'ExoMars. Pendant ce temps, d'autres chercheurs étaient au centre d'opération de l'agence spatiale européenne EXAT, en Angleterre, pour piloter le rover et analyser à distance les données que je récoltais. Ce type de simulation d'opération permet non seulement de réaliser des mesures sur des analogues martiens, mais aussi de s'entraîner à prendre des décisions rapides en se confrontant aux limites qui sont imposées à toute mission spatiale, donc en termes de partage de temps, de mémoire et d'énergie entre les différents instruments. Pour finir, le rover arrivant sur Mars au printemps 2021, j'aurai en fin de thèse la chance de pouvoir appliquer à de vraies données martiennes les outils d'interprétation mis en place. Merci beaucoup Nicolas Houdard pour cette présentation. Une réaction à Valérie Cerletti, c'est donc l'instrument sur lequel vous travaillez, c'est l'un de vos étudiants. Tout à fait, Nicolas est arrivé dans l'équipe officiellement pour sa thèse en octobre dernier, donc il a très vite été mis sur le terrain puisqu'il est parti au Chili. Il faut dire qu'on n'a pas choisi Nicolas en aveugle. Nicolas est déjà venu faire un stage de césure d'ingénieur il y a 2 ans chez nous, et donc on savait qu'il avait la capacité et le goût tout à fait nécessaire et suffisant pour mener à bien cette thèse. Jean-Bertrand, un mot peut-être sur cet instrument Wisdom développé par le LATMOS. J'en sais forcément beaucoup moins que ma collègue. Non, mais c'est sur ces travaux et sur l'importance finalement justement de sonder, d'avoir un radar qui va pouvoir effectivement ramener des données de couches en profondeur. On est bien d'accord hein, que la surface de Mars est un milieu stérilisé à la fois par les radiations, ne serait-ce que les ultraviolets, mais aussi les radiations nucléaires. Donc c'est une thèse aujourd'hui qui est admise hein, dans la communauté scientifique, que si des traces de vie devaient subsister sur Mars, ce serait à l'abri du sol martien. Notamment, on sait que le sous-sol de Mars contient à de faibles profondeurs de l'eau. Alors de l'eau chargée d'ions, chargée de divers produits. Néanmoins, c'est la base de la vie. Bien sûr. Si on se projette peut-être un peu, donc au-delà de ces deux missions américaines et européennes et russes en 2020, il y a d'autres projets de rover, notamment celui sur lequel vous travaillez, Jean-Bertrand, qui est intéressant parce que là, c'est cette fois-ci avec l'agence japonaise, la mission MMX. Et là, on ne cherche plus à se poser sur Mars. C'est un rover d'un autre type avec d'autres types de contraintes. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, je vais en parler avec passion. On vous écoute. Néanmoins, je voudrais revenir juste sur un point sur ExoMars. Parce qu'on a dit que donc Curiosity avait une énergie qui était supérieure à ExoMars. Néanmoins, permettez-moi de pousser un petit cocorico qui est à la fois l'échelle européenne et toulousaine. Les capacités du rover ExoMars vont être également décuplées par sa capacité à la navigation autonome, qui est une technologie qui, en réalité, n'a jamais été exploitée encore réellement dans des missions spatiales. Typiquement, le rover Curiosity, aussi puissant soit-il, il est téléprogrammé. C'est-à-dire que des ingénieurs au sol, à la NASA, regardent les images que le rover Curiosity envoie et estiment quelle trajectoire il peut emprunter sans prendre de risque. Le rover lui-même est capable d'éviter un obstacle qui surgirait devant lui, comme par exemple une petite crevasse qui n'aurait pas été visible sur les images reçues au sol. Le rover ExoMars disposera de la capacité à se guider lui-même. Et donc l'ingénieur au sol va lui dire, écoute, fais 100 mètres dans la direction nord-est et appelle-moi quand tu y es. C'est quelque chose qui va donc permettre au rover de rouler beaucoup plus souvent que si tous les ordres devaient venir du sol. C'est du pilotage automatique par intelligence artificielle, Valérie Charletti. Oui, je voudrais ajouter aussi que cette navigation autonome a aussi un bénéfice vraiment très très important pour le retour scientifique de la mission. C'est que normalement, quand on prend les décisions au sol sur des images qui sont redescendues sur Terre, eh bien la fameuse bande passante, le volume de données qu'on peut télécharger sur Terre est impacté par ces images qui servent uniquement à la navigation, même si on peut faire de la science avec. Mais il y a un volume important de données qui sont descendues sur Terre. Si la navigation est autonome, eh bien, une grande partie de ces données vont être disponibles pour des données purement scientifiques. Ça va libérer de l'espace de données de la bande passante. Jean-Bertrand, à propos de cette mission du coup MMX, puisque là aussi c'est une mission qui devrait partir avec un projet de navigation autonome. Tout à fait. Donc, cette navigation autonome est développée à Toulouse, hein, dans le service duquel je dépends. Dans le cas du, on va l'appeler le mini rover MMX, hein, puisque c'est un rover qui sera lui, nettement plus petit hein, que Curiosity ou ExoMars 2020. Le rover lui-même devrait faire une vingtaine de kilos. La particularité également, c'est que la sonde japonaise qui va venir orbiter autour de Phobos et donc déposer ce petit rover à la surface, va servir de relais entre la Terre et le rover. Phobos, précisons bien que c'est une toute petite lune de Mars, mais vraiment toute petite. Je vais en dire quelques mots. Oui, Phobos, c'est très très atypique. C'est d'ailleurs l'objet de la mission MMX, hein, décidée par le Japon. Mais qu'est-ce que ce caillou fait là? Typiquement, bon, on connaît bien la Lune terrestre. Hein, elle est à 360 000, je crois, kilomètres de la Terre. C'est une très grosse Lune. Hein, Phobos, c'est un caillou qui fait 27 kilomètres par 22 par 17, je crois. Quelque chose comme ça. C'est-à-dire, c'est même pas rond. Honnêtement, si c'était pas en orbite autour de Mars, on appellerait ça un astéroïde. Et la question, c'est justement ça. Est-ce que c'est un astéroïde qui aurait été capturé par Mars, ou bien est-ce que c'est, comme la Lune terrestre aujourd'hui, la théorie de l'apparition de la Lune terrestre, c'est en fait suite à une collision géante des éjectas dans l'espace qui aurait formé cette Lune, on se demande si Phobos pourrait être également le produit d'une collision majeure entre Mars et un géocroiseur. Et donc, cette petite Lune est à seulement 6000 km de la planète Mars, qui est extrêmement faible, ce qui aboutit à ce que donc cette petite Lune fasse le tour de Mars en 7 heures. On sait que la Lune terrestre fait le tour de la Terre en 29 jours, quelque chose comme ça. Hein. Donc, on est dans un monde très différent. Par ailleurs, donc, comme la sonde japonaise doit faire le relais avec la Terre, on va disposer, comme le disait ma collègue tout à l'heure, d'une bande passante pour transmettre les informations sur Terre relativement réduite. Pour une raison toute simple, c'est que la sonde japonaise passe derrière Mars, très régulièrement. Donc le lien est coupé. On ne peut pas bénéficier du relais radio des missions américaines qui sont en orbite autour de Mars. Donc ce sera de la communication à travers cette sonde japonaise. C'est pourquoi, notamment, on a absolument besoin de cette navigation autonome à bord d'un si petit rover, ce qui est quelque chose d'assez ambitieux puisque il va être très différent. Hein, donc, je pense que les auditeurs verront les photos. On vient de poster une photo. Voilà. On vient de poster une photo d'ailleurs de Phobos pour se rendre compte à quel point c'est vraiment un tout petit caillou. On peut pas se mettre en orbite autour de Phobos, c'est trop petit. Tout à fait, tout à fait. La gravité est trop faible. Hein. C'est d'ailleurs une des autres contributions du CNES Toulouse à la mission de la JAXA, donc l'agence spatiale japonaise, c'est l'orbitographie autour de ce petit caillou. Et donc il n'est pas possible de se satelliser autour d'un si petit corps. Il n'est pas non plus possible de faire du vol stationnaire comme par exemple la mission Hayabusa 2 vient de le faire au-dessus de l'astéroïde Ryugu. Et on en reparlera mardi prochain. Voilà. Bon, je vais pas vous griller l'émission. Merci. Mais donc, c'est un problème assez complexe d'arriver à être en orbite autour de Phobos alors que, en vérité, d'un point de vue mécanique spatiale, c'est autour de Mars qu'on tourne. J'ai des collègues au CNES Toulouse qui étudient comment on va s'y prendre pour orbiter autour de Phobos, soit dans le plan équatorial, soit même hors du plan équatorial. Hein, c'est ce qu'on appelle dans ces cas-là une orbite, une quasi-satellite orbite 3 dimensions. C'est des problèmes assez complexes. Et donc la sonde japonaise va devoir orbiter autour de ce petit corps. Quelque chose d'assez difficile. Et qu'est-ce que vous allez faire avec un rover sur ce petit bout de caillou autour de Mars ? Pourquoi un rover ? Pourquoi pas un atterrisseur comme Philae finalement ? Alors, le premier objectif de ce petit rover va être en réalité de simplement rouler. Et rouler, c'est de la science. C'est tellement de la science qu'on a ce qu'on appelle un principal investigateur, hein, qui est Patrick Michel de l'Observatoire de la Côte d'Azur, qui est donc un expert de la science du régolithe. Qu'on recevra pour l'émission d'Hayabusa d'ailleurs, qui sera notre invité mardi prochain. Un homme intarissable. Vous avez de la chance de le recevoir. Et donc, la première des missions va être d'observer tout simplement l'interaction entre la roue du rover et ce sable extraterrestre, hein, qu'on appelle régolithe. Un régolithe, c'est un terme générique. Hein. Ça peut désigner aussi bien un sable de la taille de, enfin, comment dire, comme de la farine, aussi bien que des graviers. Néanmoins, donc, le fait de rouler en microgravité est quelque chose d'assez, comment dire, anti-instinctif, hein, dans les premières étapes du projet, hein, qui a débuté maintenant depuis 2 ans et demi au CNES, à Toulouse. On n'y croyait pas, en réalité. Puis, en discutant avec nos collègues, en discutant avec des scientifiques, on s'est dit qu'on allait arriver à rouler et que ça permettrait d'obtenir énormément d'informations sur la nature du régolithe de Phobos. Et il se trouve que, en connaissant la nature de ce régolithe, on fait de la géophysique des petits corps. Qui est donc la science portée par Patrick Michel. Jean-Bertrand, décollage prévu en 2026, normalement... décollage en 2024 prévu, le rover devrait se poser en 2026, c'est ça en un mot ? Tout à fait. Oui. Donc la sonde japonaise décolle en 2024, le transit vers Mars va durer, je crois, 8 mois de tête, et ensuite la sonde japonaise va en réalité cartographier à haute résolution Phobos, dans l'objectif principal de s'y poser elle-même. Tout comme Hayabusa s'est posé à la surface de Ryugu, les Japonais maîtrisent cette technique qui consiste à poser une énorme sonde d'une tonne 6 à la surface d'un corps et d'en redécoller. La mission MMX va d'ailleurs faire un retour d'échantillon. Je suis obligé de vous interrompre ici parce qu'on arrive dans les dernières minutes de cette émission et on faut se poser surtout la question de ce qui se passe après, parce que encore une fois, MMX c'est un rover qui va rouler, mais que se passe-t-il ? Quel sera le prochain modèle ? Est-ce qu'il aura seulement des roues ? Autre chose, pour développer ces futurs rovers explorateurs, les développeurs ont recours à l'intelligence artificielle. Bonjour Céline Lezen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu chez Autodesk, qui est une société d'édition de logiciels qui travaille avec la NASA sur les prochaines générations de rovers. Oui, Autodesk a travaillé avec le laboratoire Jet Propulsion de la NASA. Alors l'idée, c'était de fabriquer un rover beaucoup plus performant et qui répond aux nombreuses contraintes liées aux missions spatiales. Alors il y a la masse, bien sûr, mais aussi la qualité des matériaux ou bien la morphologie du robot. Et pour améliorer tous ces paramètres, il a fallu des centaines, voire des milliers de combinaisons possibles. Pour y parvenir, l'équipe de Fikret Kale a conçu un logiciel 3D basé sur une IA qui a permis d'aboutir à un modèle de rover inédit. on a utilisé une version un peu dérivée d'un algorithme qui répondait à des contraintes de course automobile haute performance pour pouvoir ajuster le design de ce lander-là. Et on a abouti à une forme très organique, difficile à fabriquer, mais on l'a rendu beaucoup plus simple en adressant un procédé de fabrication particulier. En quoi l'usage de ce logiciel fondé sur l'intelligence artificielle permet de proposer des solutions multiples, nouvelles et beaucoup plus performantes que ce que pourrait proposer un designer classique? Alors, un designer classique aujourd'hui va explorer une ou deux, trois solutions manuelles qu'il aura dessinées, qu'il aura imaginées dans sa tête, et puis il va les mettre sous forme numérique et puis explorer un peu cette solution-là, développer le produit, le mettre en test, évaluer la performance de ce produit et ensuite éventuellement revenir en arrière pour ajuster un certain nombre de paramètres. La solution qu'on propose à travers ce qu'on appelle nous la conception générative, c'est une solution assez innovante pour remplacer cette réflexion initiale que le designer doit faire en posant le problème d'une manière un peu différente. Aujourd'hui, on pose le problème en se disant qu'on veut dessiner une forme qui ressemble à ça et on le dessine. En posant le problème différemment, on peut s'imaginer définir plutôt des contraintes. Donc le poids d'une pièce, la déformation, les contraintes mécaniques, les forces qu'elle va endurer, les vibrations. Ces paramètres, ce sont des paramètres d'entrée. On sait le définir comme paramètre d'entrée. Et là, le logiciel va, dans un espace de design qu'on aura défini, explorer toutes les solutions. Donc il ne propose pas une seule solution, il en propose des milliers. Alors comment se fait le choix? Parce que parmi une centaine ou des milliers de solutions, il faut les discriminer pour qu'elles soient les plus adaptées en fonction de la fonction qu'on veut lui donner. Alors, l'intelligence artificielle qui est au sein du logiciel permet de proposer ces milliers de solutions. Et en paramètres d'entrée, donc je vous disais quels sont les paramètres d'entrée, en paramètres de sortie, on a d'autres paramètres, d'autres curseurs qui permettent de filtrer les solutions qu'on veut obtenir. Et puis l'utilisateur vient jouer sur des curseurs pour filtrer et arriver jusqu'à une ou deux solutions. Et puis il va toucher du doigt celle qu'il veut vraiment produire. Et l'intérêt de ça, c'est qu'une fois qu'il a sélectionné sa solution, il sait que la solution choisie sur son logiciel répondre à ces contraintes-là de sortie, c'est-à-dire résistance mécanique de tel paramètre, déformation telle valeur, il n'y a plus besoin de simuler. La simulation, la validation du procédé, elle est pendant la phase de conception. Votre logiciel peut proposer des solutions qu'un esprit humain n'aurait jamais pu envisager parce que peut-être trop original ou... Alors, en tout cas, l'esprit humain est bridé à son savoir-faire, à ses expériences. Là, le logiciel va explorer des domaines, des espaces de design que l'humain n'aurait jamais eu le réflexe d'explorer. Et forcément, ça donne ce que vous dites des solutions originales. On a des formes un peu organiques qui sont dessinées puisqu'on met de la matière là exactement où on en a besoin. Pas plus, pas moins. Donc là, on a sous les yeux un prototype de rover que vous avez pu proposer. Alors, dans le cadre de la collaboration avec JPL, on a conçu et designé ce lander-là. Alors, ce lander-là n'est pas fait pour se déplacer. Il est fait pour se poser. Et la partie centrale, qui est le corps, va permettre d'extraire des petits robots qui vont venir manipuler, extraire des informations au sol et les ramener sur la Terre. Donc, il y a le corps qui a été conçu et fabriqué avec un moule de sable. Donc vous voyez, elle est assez conséquente, elle fait à peu près un mètre cube. D'ailleurs, général, on pourrait penser à un arachnide ou... Une araignée à quatre pattes, c'est exactement ça. Les pieds, là, vous voyez, sont aussi conçus et dessinés avec notre logiciel de conception générative. Vous reconnaissez un peu la forme organique, mais par contre, on a utilisé la contrainte de fabrication qui est l'usinage dans ce cas de figure-là pour fabriquer les pieds. Donc on a usiné les pièces. Donc c'est très futuriste, mais c'est réel. C'est un prototype, bien sûr, on cherche toujours à l'améliorer, parce que le but aussi, c'est pas de descendre les indices de sécurité au minimum, parce qu'on est quand même sur l'espace et un lancement doit être réussi et l'exploration aussi. Donc on joue sur tous ces paramètres-là, qui est le compromis entre la performance et l'allègement de la pièce, mais aussi sa résistance et la réussite de la mission. Sur le travail de collaboration entre les équipes du laboratoire de la NASA, comment s'est fait ce dialogue? C'est pour ça que Autodesk Research existe. On a eu un accord de collaboration en termes de recherche avec le laboratoire JPL de la NASA. Et là, sur l'exemple que vous avez ici à l'écran, ce lander-là, on a réussi à réduire le poids de 35%. Et pour le laboratoire JPL, c'est très important de faire des gains aussi élevés parce que sinon, ça ne vaut pas le coup d'implémenter la technologie pour eux. Donc ça a été une collaboration très forte qui dure encore. Et avant d'aboutir à ce modèle final, il a fallu combien de modèles théoriques? Alors ça, c'est une des performances aussi de notre logiciel, à savoir qu'une fois qu'on a décrit le problème, qu'on l'a mis sous forme d'équation, j'entends numériquement, On a juste à changer des paramètres pour refaire des itérations. Le logiciel calcule en temps masqué, vous n'avez plus rien à faire. C'est-à-dire qu'on a mis le problème sous équation, c'était il y a un an. Au fur et à mesure du temps, on a changé les paramètres parce qu'on s'est rendu compte que peut-être on devrait augmenter la résistance à la traction de tel composant, etc. On change juste le paramètre et ça refait tout le design automatiquement. Et c'est plus du tout la même forme, hein, mais n'empêche que ça répond aux critères qu'on a donnés en entrée. Un modèle comme celui-là, un designer prendrait 2 à 4 mois à refaire une nouvelle version. Le logiciel, on parle de quelques semaines. Donc on a un gain de temps énorme dans le cycle de développement du produit. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, in fine, quand le logiciel a proposé toutes ces solutions, ça reste quand même bien la responsabilité du designer de choisir ce qu'il veut faire. D'accord ? Le choix humain est très important pour la fabrication du produit. Voilà le futur des rovers d'exploration, peut-être pas sur roue, peut-être arachnide avec des pattes à mots. Jean-Bertrand, une réaction en quelques mots rapidement. Moi, je dirais que dans ma vision, les rovers actuels sont des explorateurs, les rovers du futur seront des colons. Ils vont préparer l'arrivée de l'homme, que ce soit sur la Lune, hein, puisque l'ESA prépare actuellement des rovers sur ce thème-là, hein, la préparation d'une base lunaire, mais également sur Mars. Les prochains rovers devront être suffisamment intelligents pour préparer le terrain pour l'arrivée de l'homme. Ce seront des robots constructeurs, ça donnera lieu à une autre émission. On n'a pas eu le temps de parler des rovers sur les lunes glacées de Jupiter, des rovers sous-marins, il y a plein d'autres choses à raconter absolument passionnantes. Ça nous donnera l'occasion de faire d'autres émissions. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous parler de l'histoire du présent et du futur de ces rovers d'exploration spatiale. Merci Valérie Cirletti, merci Nicolas Houdard d'être venu nous présenter vos travaux de recherche. Merci beaucoup Jean-Bertrand, merci à nos camarades également de France Bleu Occitanie à Toulouse pour le duplex. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Céline Lozen, Eve Etienne, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc, Éléonore Pérez, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation, Élise Leu à la technique. Dans le prochain épisode de la méthode scientifique, demain, nous retracerons l'histoire de la médecine, mais du point de vue, pour une fois, de la civilisation arabo-musulmane. C'est vrai que l'histoire des sciences est dominée par une historiographie occidentale. Cap à l'Orient, demain donc à 16h, jusqu'à preuve du contraire.